Le vaccin Covid, est-ce la panacée ou non ? Depuis un an, nous faisons face au plus grand défi de ce siècle, le Covid-19. Tous les jours, nous entendons aux informations les derniers chiffres sur le nombre de personnes infectées et de personnes décédées à cause du Covid ou avec le Covid. Les citoyens ne sont pas informés, par exemple du fait qu'en Allemagne, plus de 97% des personnes ne sont pas touchées. Le grand salut réside dans la vaccination. C'est du moins ce qui est prophétisé. Ce n'est qu'avec elle que nous pourrions revenir à une vie normale. Bon, d'accord. Mais en ce qui concerne la vaccination, en particulier, certaines questions cruciales viennent à l'esprit. Premièrement, pourquoi les politiciens et les médias font-ils tant l'éloge de la vaccination comme si c'était la panacée, alors qu'il a été prouvé que l'efficacité des vaccins, tels que celui d'AstraZeneca, n'est que d'environ 70%? Deuxièmement, comment peut-on rétablir la normalité alors qu'il n'est pas certain qu'une personne vaccinée ne soit pas porteuse de la maladie? Troisièmement, n'y a-t-il pas une raison qui explique que des pays comme la France et la Suède interdisent l'utilisation de certains vaccins dans certaines régions en raison d'effets secondaires et de décès inexpliqués? Quatrièmement, les vaccins à ARN ont donné depuis des années de mauvais résultats lors des essais sur les animaux, ce qui a entraîné l'arrêt de leur développement. Aujourd'hui, pour les vaccins contre le Covid, ces tests sur les animaux sont partiellement supprimés ou du moins raccourcis. Comment est-ce possible? Malgré toutes ces grandes inquiétudes et ces questions sans réponse, la vaccination est en permanence prônée de toutes parts, comme la seule et unique voie vers la normalité. Nos médias principaux s'obstinent cependant à cacher le fait que dans certains pays, on utilise des remèdes tout à fait différents contre le Covid. Le biophysicien et chercheur Andreas Kalker a relaté dans une interview avec Joe Conrad ses expériences en Bolivie. Il y coopère avec plusieurs universités avec l'aide des médecins. Il utilise avec succès le dioxyde de chlore contre le Covid. Le succès des recherches de Kalker a été reconnu au Mexique, où elle commence également à être utilisée. La Société suisse de médecine anti-âge et de prévention a publié le 2 février 2021 un appel urgent aux médecins suisses sur l'utilisation de la vitamine D. Dans cet appel, il est souligné que des études montrent que la vitamine D atténue considérablement l'évolution de la maladie et qu'il y a de fait moins de patients en soins intensifs. Dans un autre cas, le laboratoire Spitz, qui fait partie de l'Institut suisse de protection ABC, a pu démontrer par des études l'efficacité de l'échinacea dans la lutte contre les coronavirus. De même, des études cliniques ont confirmé l'effet positif de fortes doses de vitamine C administrées par voie intraveineuse sur l'évolution du Covid-19. Il est intéressant de noter que le ministre de la Santé allemand, Jens Spahn, semble également être au courant des études susmentionnées concernant les vitamines. Dans une interview accordée à RTL, on a demandé à M. Spahn ce qu'il avait fait pour se rétablir de son Covid. Spahn a répondu qu'il avait suivi les conseils pour renforcer le système immunitaire. Il a pris de la vitamine D, du zinc, etc., bien que selon ses dires, cela n'aurait pas été prouvé scientifiquement et son Covid a été très léger. Dans l'allocation de milliards de fonds de recherche pour lutter contre le Covid, l'accent a été mis dès le départ uniquement sur le développement de vaccins. En conclusion, une question se pose. Pourquoi, alors que la vaccination est loin d'être la solution idéale, l'accès à d'autres méthodes de traitement bonnes et prometteuses est-il refusé aux gens presque partout dans le monde? La santé de la population n'est donc guère au centre des préoccupations de nos politiciens et de leurs conseillers. Si la santé n'est pas au centre des préoccupations, qu'est-ce qu'il l'est? D'une part, il est évident qu'il y a beaucoup plus à gagner avec les vaccins qu'avec la vitamine C, par exemple. D'autre part, il n'est peut-être même pas à souhaiter que les gens se soignent eux-mêmes par des méthodes de soins alternatives. En effet, la vaccination, avec l'introduction d'un passeport électronique de vaccination, est une condition préalable idéale pour contrôler, surveiller la population et surtout la rendre dépendante. Il est intéressant de noter les informations recueillies par Paul Schreier, journaliste d'investigation et écrivain. Selon cette étude, de tels scénarios de pandémie sont répétés dans des jeux de simulation depuis plusieurs décennies. Même les médias y jouent un rôle important. Ils sont censés s'assurer que les messages dits erronés, c'est-à-dire les contre-voix, soient supprimés et que la peur soit générée au sein de la population. De cette manière, des changements importants pourraient être mis en œuvre de manière efficace et les droits fondamentaux des personnes pourraient être massivement restreints, voire abolis. Ces scénarios testés ne sont-ils pas exactement ce que nous vivons aujourd'hui dans la réalité ? Les traitements alternatifs sont mis de côté, tandis qu'une vaccination très controversée est présentée comme la panacée. Dans le même temps, on introduit un passeport de vaccination numérique permettant un contrôle total et une surveillance totale. De même, d'importantes contre-voix de scientifiques et de médecins du monde entier sont diffamées et censurées. Il faut donc se demander si la crise du Covid-19 ne sert pas de marchepied à l'élite autoproclamée qui, avec l'aide des médias, pousse à l'instauration d'un nouvel ordre mondial conforme à ses idées.